Les yeux de la chouette papillote. Les yeux de la chouette papillote. Le hibou du bout des bois, le hibou ne viendra pas. Les yeux de la chouette. Viens donc dormir.